4. Conséquences de l'entente conjugale. Les plus cruelles conséquences de cette entente conclue entre eux ne furent point pour Georges, qui continua sa vie de plaisir, mais pour la malheureuse, qui dut le recevoir dans son lit pendant près d'un mois. Caroline se trouvant enceinte, Georges conclut que la lune de miel avait assez duré. Le 7 janvier 1796, la princesse donna le jour à Caroline Charlotte Auguste de Galles, qui devait être plus tard la femme de Léopold Ier. La naissance d'un enfant est quelquefois l'occasion d'un rapprochement entre époux, mais le prince, à l'instigation de sa maîtresse, et estimant qu'il avait fait assez pour l'Angleterre, chercha au contraire un prétexte pour rompre avec sa femme d'une façon éclatante et définitive. Il lui fit une scène de jalousie, sans raison, et lui adressa après la lettre suivante. « Madame, j'apprends par Lord Cholmondeley que vous voulez à l'avenir vivre ensemble. J'essaierai de m'expliquer à cet endroit avec toute la clarté et la convenance que peut permettre la nature du sujet. Nous ne sommes point maîtres de nos inclinations, et il serait injuste de rendre l'un de nous responsable de ce que la nature ne nous a point créé à notre convenance mutuelle. Cependant, nous pouvons trouver l'un de l'autre une société tranquille et même agréable. Bornons nos liaisons à une semblable société, et je souscrirai de grand cœur à l'engagement que vous réclamez de moi par l'intermédiaire de Lady Cholmondeley, savoir que dans le cas même où il arriverait malheur à notre fille, malheur que dans sa miséricorde, la Providence nous épargnera, je l'espère, je ne transgresserai point les termes des conventions arrêtées en proposant à aucune époque une liaison d'une nature plus intime. Je termine ici cette désobligeante correspondance dans l'espoir qu'après une explication complète de nos sentiments respectifs, le reste de notre vie se passera dans une tranquillité inaltérable. Je suis, madame, en toute sincérité, votre Georges. » Trois jours après la réception de cette lettre perfide, Caroline répondit « Prince, je n'ai été ni surprise ni blessée par l'aveu que vous avez fait à Lord Cholmondeley. Il ne fait que me confirmer ce que depuis un an vous m'avez donné à craindre. Mais après cela, il y aurait de ma part manque de délicatesse, ou plutôt lâcheté indigne à me plaindre des lois que vous vous imposez à vous-même. Je n'eusse même point répondu à votre lettre si elle n'eût été conçue de manière à faire douter si cet arrangement venait de vous ou de moi. Or, vous savez, il est juste que l'on sache que le mérite en appartient à vous seul. Puisque, comme vous me le dites, cette lettre est la dernière que je recevrai de vous, je me crois forcé de communiquer au roi, comme à mon souverain et à mon père, votre demande et ma réponse. Vous trouverez ci-jointe une copie de ma lettre à Sa Majesté. Je vous en instruis pour que vous ne m'accusiez pas de vouloir faire du bruit, moi qui n'ai plus désormais de protecteur que le roi, et qui ne peut en référer qu'à lui en cette occasion. S'il approuve ma conduite, ce sera pour moi une consolation. Je suis toujours pleine de reconnaissance de ce que votre grâce, je me trouve, comme princesse de Galles, avoir le moyen d'exercer une vertu bien chère à mon cœur, la charité. Mon devoir, je le connais et je l'accomplirai, sera désormais d'offrir un modèle de patience et de résignation dans toutes les douleurs que me réserve la Providence. Rendez-moi la justice de croire que je ne cesserai jamais de prier pour votre bonheur et d'être votre très dévouée, Caroline. » Ainsi s'accomplit la séparation des deux époux. Le vieux roi aimait beaucoup sa belle-fille et plus d'une fois essaya de la consoler, mais il n'en était pas de même de la reine et Georges III ne fit aucune tentative de conciliation. Le bruit de cette séparation ayant transpiré, la cour s'inclina devant la volonté du prince, mais la nation, qui détestait celui-ci malgré ses prétendues opinions libérales, s'éleva contre sa conduite et témoigna ses sympathies à la princesse. Caroline trouva donc une consolation dans cette popularité qu'elle avait rêvée en partant pour l'Angleterre. Elle se retira avec sa fille à Blackhead, dans le Devonshire, et ne quitta sa retraite que pour de rares visites au roi, en évitant de rencontrer le prince de Galles. De 1796 à 1801, sa vie s'écoula solitaire et silencieuse. Son temps à Blackhead était partagé entre l'éducation de son enfant et quelques visites de charité faites aux environs de sa résidence. La seule distraction qu'elle se permit était la musique. Sa société était peu nombreuse et choisie. Elle se composait du capitaine Manby, de la marquise de Townshend et de Sir Sidney Smith, le vainqueur d'Aboukir, le rival de Nelson. L'amiral était un causeur instruit et intéressant. Il avait beaucoup vu et avait eu des aventures romanesques. Ainsi, fait prisonnier dans un combat livré près du Havre, il avait été enfermé à Paris dans la prison du Temple et s'en était évadé à l'aide d'un faux passeport. On comprend le charme paisible des soirées de Blackhead, des conversations sérieuses, la lecture et la musique en faisaient tous les frais. Dans le mois de novembre 1801, on apporta au château un jeune enfant de quelques mois à peine, nommé Billy William Hostein. Il était fils de Sophie Hostein et d'un charpentier de Deptford, abandonné par ses parents et recommandé à la charité de Caroline par une de ses amies, Madame Ralph. La présence de cet enfant à Blackhead servit bientôt de prétexte à la calomnie. Lady Jersey fit remarquer que Sir Sidney Smith était un des plus élégants cavaliers de l'Angleterre et n'avait que 36 ans, que le capitaine Manby paraissait porter au petit Billy un intérêt extraordinaire. La calomnie fit son chemin. En 1805, Caroline ayant renvoyé une de ses dames d'honneur, Lady Douglas, trop dévouée à la Jersey, cette dame alla trouver la comtesse, s'entendit avec elle pour convaincre le prince de Galles de la prétendue trahison de sa femme. Le prince ne demandait qu'à se laisser convaincre. Il fit établir par écrit l'accusation de Lady Douglas, la remit aux mains de Sir John Douglas et du comte de Sussex, et les chargea de la porter au chancelier Thurlow. La plainte du prince parvint ainsi jusqu'au roi. La reine prit parti pour son George et une enquête fut ordonnée. 4 commissaires furent nommés, Lord Granville, Lord Erskine, Lord Ellenborough et le comte Spencer. Lord Thurlow fut chargé de présider à leurs investigations. L'enquête fut faite avec un soin consciencieux. Blackhead subit les perquisitions les plus sévères. La princesse et les personnes admises chez elle furent interrogées. De nombreux témoins furent entendus, et de tout cela résulta ce que le résumé du chancelier va vous apprendre. Nous sommes heureux, sire, de pouvoir déclarer à votre majesté qu'il n'y a aucunement lieu de craindre que l'enfant qui se trouve en ce moment près de la princesse de Galles soit son fils, ainsi qu'on l'avait soupçonné, ni qu'elle soit accouchée dans le cours de l'année de 1801 d'aucun enfant de l'un ou l'autre sexe. Nous pouvons même affirmer que rien de pareil n'a eu lieu pendant le cours du temps qu'a exigé notre enquête. Donc nous acquittons la princesse de Galles, et nous pensons que ses accusateurs doivent être poursuivis selon la rigueur des lois. Néanmoins, votre majesté peut pardonner à ces derniers, sur notre déclaration, qu'ils n'ont été probablement conduits à provoquer cette délicate investigation que par le désir de rassurer l'Angleterre sur l'hérédité de la couronne, qui pouvait être mise en doute, et que dans cette circonstance, on doit leur tenir compte de leur bonne intention. L'enquête n'ayant pas eu un caractère public, la déclaration qui la suivit ne fut pas publiée, mais les accusations lancées contre Caroline s'étaient répandues dans le public et les interrogatoires de Blackhead avaient accru leur portée. En vain, pour protester contre la calomnie, la princesse de Galles avait-elle reparu à la cour. La reine, qui ne lui pardonnait point d'avoir confondu ses accusateurs et le parti de George, lui marquèrent une froideur dédaigneuse contre laquelle ne pouvait réagir le malheureux George III, dont la raison s'éteignait de jour en jour. Caroline, innocente, se vit traitée en coupable. Elle se sentit perdue, déshonorée, et prit un parti extrême. Elle fit publier la lettre suivante adressée au roi. « Sire, je m'adresse à votre majesté pour me plaindre amèrement de la façon légère et inconvenante dont on a instruit l'accusation dont j'ai été l'objet. Le résultat de cette enquête mystérieuse n'a jamais, ce qui est tout à fait contraire aux droits de tout citoyen, quel bonheur de vivre sous la Constitution britannique, le plus beau patrimoine des Anglais, le résultat de cette mystérieuse enquête, dis-je, n'a jamais été porté à la connaissance du public. Il en résulte que j'étais jugé à huis clos, sans avoir été confronté avec mes ennemis et entendu dans ma défense ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la loi. Est-il donc vrai qu'en tout pays, même en Angleterre, on puisse ainsi éluder la justice? J'ose donc supplier votre majesté de vouloir bien considérer que la procédure intentée contre moi par mes accusateurs ayant démontré leurs mensonges, c'est bien le moins que l'on m'accorde la satisfaction de rendre le pays juge de l'opinion qui m'est due, et cela en mettant sous ses yeux toutes les pièces du procès. C'est devant le public que j'ai été scandaleusement attaqué, c'est devant lui que je dois être admise à me défendre et à prouver mon innocence. J'implore comme une grâce que votre majesté ordonne que les diverses procédures de la commission spéciale du conseil privé soient publiées sans restriction, ou tout au moins consente à me laisser pourvoir devant la Chambre des Lords pour y être condamnée ou absoute de droit. Sire, le privilège que j'invoque appartient au plus infime de vos sujets, comme au prince du sang, c'est celui d'être jugé par ses pairs. Si je suis coupable, pourquoi cacher mon crime et ne pas me punir? Si je suis innocente, pourquoi ne pas punir ceux qui ont tenté de me déshonorer et de me perdre? La dignité de l'Angleterre veut un exemple solennel. Les amis du prince de Galles le désirent sans doute, mais en tout cas, la justice et l'humanité le réclament impérieusement. Caroline. Le roi lui répondit: Madame, je conviens que parmi les lois si belles de la Grande-Bretagne, il n'en est pas une plus belle que celle qui autorise une femme outragée dans sa vie à rendre public le résultat de l'enquête légale dont sa conduite a été l'objet. Dans la vie privée plus particulièrement, c'est un avantage inappréciable. La liberté de la presse, qui donne à chaque individu le droit de porter sa cause devant le public, est un moyen sûr ou d'empêcher le scandale ou de le guérir, mais dans un cas comme le vôtre, il y a certaines formes par lesquelles on doit se laisser guider. Et pourquoi tiendriez-vous à mettre au jour des choses dont la seule imputation blesse la délicatesse, lorsque moi, le prince et mon conseil privé avons jugé à propos de les envelopper des voiles du mystère? Quant au jugement que vous demandez à subir, ne vous suffit-il pas que votre conduite ait été jugée irréprochable et que la sentence de la commission spéciale instituée pour en connaître vous ait rendu ce témoignage? Que le conseil privé l'ait confirmé en la relisant et en ajoutant à votre honneur que vous n'aviez rien fait non seulement de criminel mais d'inconvenant? Que signifierait donc désormais un jugement? Néanmoins, si vous tenez à l'impression de la procédure, je réserverai la totalité des exemplaires pour la famille royale seule et je la rassemblerai de nouveau, si cela devient nécessaire, pour prendre en considération votre cas et la réparation qu'il exige. 5. La princesse Charlotte. Caroline céda aux observations du roi et à cette lettre d'un esprit si conciliant et si modéré, répondit en bornant ses prétentions à une demande fort juste. Elle exprima le désir que ses privilèges de mère et de reine fussent respectés. Le prince de Galles se refusa à prendre aucun engagement à cet égard. Caroline menaça de faire publier la procédure. Le prince resta sourd. Le livre fut publié, mais sur les instances de son conseil, on le retira de la circulation. Peu de temps après, George III ayant donné des preuves publiques et par trop évidentes d'aliénation mentale, le prince de Galles fut appelé à la régence. L'ami de Fox et de Sheridan quitta alors le parti Whig pour le parti Tory, mais ne renonça ni à l'eau-de-vie, ni à Lady Jersey, ni à sa haine contre sa femme. Le premier usage qu'il fit de son pouvoir fut de faire enlever la princesse Charlotte à sa mère et de la confier à l'évêque d'Exeter, à Lady Clifford et à la douairière de Leeds. En vain, Caroline, assistée de Lord Brougham, protesta contre cet outrage et cette cruauté. George ne lui répondit point. Il lui renvoya ses lettres sans les avoir ouvertes. Elle renvoya sa protestation aux journaux qui la publièrent, puis elle s'adressa au Parlement qui lui opposa une fin de non-recevoir. Le livre supprimé reparut. L'opinion publique, vivement émue, se prononça en sa faveur. Le régent était non seulement méprisé, mais détesté. Les manifestations les plus désagréables l'accueillaient souvent au passage. Malgré son dédain de l'opinion, il s'en irritait. Il rencontrait aussi une respectueuse mais ferme opposition chez sa fille, qu'il avait résolu de marier au prince d'Orange, et qui, bien qu'elle n'eût que 16 ans, avait déclaré préférer le prince Léopold, qui plus tard fut roi des Belges. George imposa sa volonté, et sa fille dut se soumettre, bien que, par l'exemple de sa mère, elle fût avertie des dangers d'une union politique. Mais toute difficulté n'était pas aplanie. Le régent envoya à sa fille la liste des invités, et Charlotte y inscrivit le nom de sa mère. Le régent biffa ce nom et retourna la liste. La prince biffa à son tour le nom du futur époux et se réfugia chez sa mère. Ni Caroline ni sa fille ne pouvaient supporter l'exclusion outrageante dont elles étaient menacées. Lord Brougham, pour trancher une solution devenue inextricable, conseilla à Caroline de partir pour un long voyage. Le mariage se ferait en son absence. Elle y consentit, et pour décider le régent, toujours criblé de dettes, elle offrit de lui abandonner 15 000 livres de son traitement, fixé par le Parlement à 50 000 livres sterling. Cette prime était séduisante, et la proposition fut acceptée. Et le 9 août 1814, tandis que l'on procédait au mariage de sa fille, la princesse Caroline partit pour un voyage qui devait durer 6 ans. La princesse était alors dans la 40e année de son âge, et l'an premier de sa liberté. elle allait commencer une existence nouvelle. Délivrée des espions de Lady Jersey et de la présence toujours sentie du régent et de la reine, en quittant Blackhead, elle sortit de prison et, comme une prisonnière évadée, s'enivra d'air libre et d'espace. C'est d'ailleurs l'impression qu'éprouvent beaucoup d'Anglaises en débarquant sur le continent. Elles se sentent délivrées de cette pénétrante et glaciale hypocrisie qui pèse sur elles comme les brouillards de la Tamise et de la Mersey. Caroline se rendit d'abord dans son pays natal, mais elle n'y demeura que peu de temps et partit pour la Suisse et l'Italie, sous le nom de comtesse de Wolfenbüttel. Les pays du soleil l'attiraient. Elle désirait voir les contrées que les récits de Sir Sidney Smith lui avaient déjà fait parcourir en imagination. Sa maison, exclusivement anglaise, était ainsi composée en quittant l'Angleterre, Lady Charlotte Lindsay et Lady Elizabeth Forbes, dame d'honneur, le capitaine Hesse, écuyer, William Gale, Craven et Saint-Léger, chambellan, le docteur Holland, Sicard, maître d'hôtel, et Hieronymus, messager. Le jeune Billy Holstein l'accompagnait. Elle le traitait comme son propre enfant. À peine sur le continent, la maison de la princesse augmenta encore d'un nouveau personnage d'origine italienne, nommé Bartolomeo Bergami, engagé comme courrier. Ce nouveau venu était appelé à occuper une grande place dans la vie de la princesse. D'ailleurs, quand dans l'histoire d'une reine du Nord vous rencontrez un nom italien, vous pouvez vous dire « Voilà un aventurier auquel se rattache quelque histoire galante. » 6. Bergami. Dès son entrée au service de la princesse, Bergami prit sur elle un visible ascendant. L'entourage le sentit, et Bergami ne fut pas le dernier à s'en apercevoir. Comment avait-il acquis cette rapide influence? Était-ce par son esprit, par sa beauté? Il était de haute taille et bien bâti, mais d'une physionomie vulgaire et d'une intelligence médiocre. Front bas et fuyant, lèvres épaisses, yeux noirs dont les passions seules alimentaient la flamme, grosses moustaches noires. Cette vulgarité essayait de se racheter par beaucoup d'assurance ou d'aplomb. Bergami avait servi sous les ordres du major-général Galimberti pendant les campagnes de 1812-1814, et il mettait sa coquetterie dans un air martial et presque farouche. Il parlait plusieurs langues, avait beaucoup voyagé, et avait pu espérer de parcourir une brillante carrière, soit dans la diplomatie, soit dans les armées, mais des revers de fortune, le bouleversement politique, etc. La bonne princesse écouta tous les racontars de ce capitaine Clavaroche et s'y intéressa d'autant plus que ses moustaches et ses grands yeux noirs avaient produit sur elle la plus vive impression. Elle oublia que cet homme avait accepté chez elle l'emploi d'un laquais et le traita avec plus d'égard que n'en exigeait sa position. Mais le monde de convention et d'étiquette de la cour de Saint-James et de Carlton House lui avait masqué le monde réel, et à 46 ans, Caroline manquait encore d'expérience. Elle n'avait jamais aimé, et sauf les 17 jours de la lune de miel que nous connaissons, elle avait toujours vécu comme une vieille fille. Il devait lui arriver ce qui arrive aux gens qui, après avoir vécu dans un état voisin de la pauvreté, se trouvent subitement enrichis par un gros héritage. Ils rompent les entraves désormais inutiles qu'ils avaient mises jadis à leur goût et à leur passion. Ils éprouvent le besoin de la dépense, à moins que tout chez eux ne se soit atrophié par l'inertie. Mais malgré ses 46 ans, Caroline était une femme pleine de verdeur, puis elle était malheureuse. Bergami savait tout cela avant de se présenter chez elle, comme il savait qu'elle avait un traitement de 35 000 livres sterling. Comme si tout conspirait en sa faveur, la maison de la princesse se disloqua en peu de jours et le vide se fit autour de Caroline. Saint-Léger tomba malade à Brunswick. Lady Forbes retourna en Angleterre où sa sœur la rappelait. Lady Lindsay se retirait à Spa. La guerre obligeait le capitaine Hesse à rejoindre son régent. M. Craven se retirait chez sa mère en Allemagne. On attribua ces défections à la présence de Bergami. Il n'est pas douteux que cet aventurier ne déplût à la suite de la princesse. Mais il est possible aussi que les manœuvres de Lady Jersey, l'âme damnée du régent, y fussent pour quelque chose. La suite de cette histoire tente à le prouver. Le médecin, le maître d'hôtel et le messager restèrent seuls près de Caroline, qui ne put décider qu'un seul anglais, le lieutenant de marine Howman, à l'accompagner dans sa vie errante. Bergami put se considérer comme maître de la place. Il ne lui manquait qu'une occasion signalée de prouver son dévouement pour fixer les sympathies de la princesse et se rendre aussi intéressant que nécessaire. Dans leur voyage en Suisse, cette occasion ne surgit point. Ils arrivèrent à Côme, où Caroline, séduite par la beauté du pays, résolut de séjourner quelques jours. Dans ses promenades, elle donnait le bras à M. Homan, mais avait Bergami pour cicérone. Le soir, ou pendant les heures de soleil accablant, c'était encore celui-ci qui lui tenait compagnie avec le jeune Billy. Un jour, au retour d'une excursion fatigante, elle demanda un verre de vin glacé. Le garçon de l'hôtel le lui apporta, mais au moment où elle allait le prendre, Bergami, qui fixait attentivement le domestique, le vit pâlir et trembler. Sans dire un mot, il prend le verre et le vide d'un trait. Quelques instants après, il était pris de convulsions et de vomissements. Le vin était empoisonné. Le docteur appelé constata le fait. Le valet fut chassé. Mais la princesse ne voulut point donner de suite à l'affaire. « Je ne veux pas retourner en Angleterre, dit-elle, et entreprendre un procès. Aussitôt que la santé du fidèle Bergami le permettra, nous mettrons une distance plus grande entre mes ennemis et moi. » Pendant plusieurs jours, l'état de Bartolomeo fut très alarmant et la princesse ne quitta point son chevet. Rien que de fort naturel en cela. Ses soins, ses bontés payaient la dette d'une sincère reconnaissance. Mais en revenant à la vie, ce fut au tour de Bergami de remercier sa noble maîtresse, de se montrer touchée de ses soins, de lui expliquer enfin l'ardeur d'un dévouement auquel elle avait dû la vie. Il était déjà son ami le plus sûr, et lorsqu'il fut rétabli, parfois Caroline, en baissant les yeux sous la flamme de ses regards, se demanda s'il n'aspirait point un titre plus intime encore. C'était à Naples qu'elle devait l'apprendre. Grâce à son état de convalescent, Bergami fut admis à voyager dans la voiture de la princesse, et en sa qualité de garde du corps ou d'ange gardien, il occupa, dans tous les hôtels où ils s'arrêtèrent, une chambre voisine de celle de Caroline, tandis que les domestiques étaient relégués dans une partie éloignée de l'hôtel. La princesse prenait ses repas chez elle, et Bergami eut son couvert mis régulièrement à sa table. En arrivant à Naples, il ne restait plus des personnes qui l'avaient accompagné que le docteur et le petit Rostein. Cette solitude resserrait de plus en plus le cercle de l'intimité. Il devenait bien difficile à Caroline de ne pas oublier peu à peu la distance qui existait entre la princesse de Galles et un courrier. Il lui était bien difficile aussi de ne pas accepter l'adoration discrète d'un homme qui lui avait fait le sacrifice de sa vie. Enfin, il était inévitable que cette obsession, cette convoitise ardente, qui ressemblait si bien à de l'amour, ne finît par l'ébranler et l'étourdir. Ils étaient à peine à Naples depuis un mois, et Caroline n'avait déjà plus rien à refuser à Bergami. Le 9 novembre, la princesse, en rentrant de l'opéra, remercia ses femmes de chambre et les renvoya plus tôt que de coutume. La veille, elle avait fait donner une chambre au petit Rostein qui couchait auprès d'elle, et le lendemain, elle se leva plus tard que d'habitude. De son côté, à partir de cette nuit, Bergami, qui avait montré tant de réserve discrète et de prudence, prit dans la maison un ton de commandement et entraîna la princesse dans une vie de plaisir destinée à la compromettre. Quelques jours plus tard, elle donna un bal masqué où elle parut d'abord sous un costume de paysan italien. Après être restée quelque temps dans les salons, elle se retira et envoya chercher Bergami, qui l'aida seul à changer de travestissement. Cette fois, elle s'habilla en génie de l'histoire, en histoire révélatrice, à ce qu'il paraît, car elle était, dit-on, très peu vêtue. Après avoir paru sous ses deux costumes, elle se retira de nouveau, prit celui d'une paysanne turque, et revint accompagnée de Bergami, costumée en paysan turc. Le lendemain de cette fête, à laquelle avait assisté la plus haute noblesse du pays, la princesse de Galles devint la fable de la ville. Le scandale fut énorme, mais Caroline, affolée, fut la dernière à s'en apercevoir. Lorsqu'elle partit pour Civitavecchia, on commençait à la montrer au doigt. De Civita, elle se rendit par mer à Gênes et de cette ville à Milan. Là, Bergami fit venir une de ses sœurs et un de ses frères, mais en se gardant de découvrir à d'autres qu'à Caroline la parenté qui les liait. Mademoiselle Bergami se présenta sous le nom de Comtesse Oldi et fut nommée dame d'honneur de la princesse. Le jeune frère fut engagé en qualité de second courrier. Bartolomeo fut élevé au grade d'écuyer. De ce jour, la princesse de Galles ne s'appartint plus. Elle fit partie, pour ainsi dire, de la famille Bergami. Ainsi, cette seconde jeunesse justifiait les craintes inspirées par la première au vieux duc de Brunswick et au baron Harris. C'est aussi le cas de se rappeler ce que disait à l'ambassadeur Madame de Hertfeld. Si le prince souffre qu'elle mène la vie dissipée de Londres, elle s'y livrera à corps perdu. Qu'il la tienne serrée, s'il ne veut pas qu'elle bronche. c'est la cour errante. Nous n'entreprendrons pas de suivre la princesse de Galles pas à pas dans ses voyages et d'énumérer toutes les folles imprudences que lui fit commettre son aveugle passion. Elle visita successivement Milan, Venise, où elle arriva en mai 1815, puis le Saint-Gothard, les îles Borromée, et revint à Côme, où elle loua la Villa d'Est. En novembre 1815, la cour errante s'embarqua pour la Sicile, à bord du Léviathan. Le navire, après avoir touché à l'île d'Elbe, arriva à Palerme le 26. Alors se produisit un fait inouï et qui montre combien la malheureuse princesse était tombée bas sans en avoir conscience. Ayant demandé à partir pour Syracuse, elle apprit que le vaisseau anglais, la Clorinde, qui l'année précédente l'avait conduite de Naples à Civitavecchia et à Gênes, était en partance pour cette ville. Elle fit arrêter son passage à bord. Le capitaine lui répondit qu'il priait son Altesse, dans le cas où elle s'embarquerait à son bord, de lui épargner la honte de s'asseoir à la même table que le sieur Bergami, son domestique. Caroline, sans vouloir comprendre l'affront qui lui était fait, répondit que M. Bergami n'était plus son courrier, mais son chambellan, et que le capitaine du Léviathan l'avait reçu à sa table. Le commandant de la Clorinde répliqua que son confrère était libre d'agir comme bon lui semblait, que d'ailleurs il n'avait jamais connu Bergami domestique, tandis que lui avait été servi à table par le chambellan actuel pendant le voyage à Civitavecchia et à Gênes. Eh bien, Caroline accepta ces observations humiliantes et persista à s'embarquer. Elle prit un billet, elle refusa la table du capitaine et se fit servir en particulier elle et la famille Bergami. De Syracuse, elle se rendit à Catane et s'ingénia à panser les blessures qu'avait reçues l'amour-propre de son chambellan. Elle obtint pour lui le titre de chevalier de Malte. Mais l'ennui, qui naît de l'oisiveté et de l'ignorance, ne lui permettait point de prolonger son séjour, même dans les pays les plus favorisés de la nature, ou les plus riches en souvenirs ou en œuvres artistiques. Elle voyait peu, la tête et le cœur vides. À peine arrivée, elle songeait au départ. À Augusta, elle obtint pour son chevalier de Malte le titre de baron. Elle fit faire son portrait en madeleine et lui en fit cadeau. On ne sait si elle le remarqua, mais son passage dans une ville produisit le même effet que celui d'une ménagerie célèbre. La bourgeoisie se mettait aux fenêtres en ricanant et la noblesse scandalisée se cachait. Elle battit en retraite et se dirigea vers la Grèce, d'où elle s'embarqua pour Constantinople et bientôt après pour la Palestine. Le pinceau d'un artiste milanais nous a conservé le souvenir de l'entrée solennelle et burlesque de la princesse de Galles à Jérusalem. Au fond de la toile, on voit une des portes de la ville sainte vers laquelle galopent quelques janissaires. Après ceux-ci s'avance la cour dans l'ordre suivant. La princesse, vêtue à la turque, est montée sur un âne. Le grand chambellan, vêtu de bleu, orné de plusieurs décorations, est montant un cheval blanc. Près de lui, son frère, également décoré. La comtesse Oldie, costumée comme la princesse, à cheval, ayant à ses côtés deux enfants, l'un blanc, l'autre noir, montés sur des ânes. Le premier le fils de Bergami, le second son esclave. Le petit Billy Hostein, monté sur un cheval noir, ferme la marche. Naturellement, Caroline et sa suite furent reçues par les autorités locales et les représentants étrangers, ainsi que le recommandait le titre de princesse de Galles. Mais quelle jolie note le ministre anglais dut envoyer à Londres. Après avoir visité les monuments de la ville, la princesse s'ennuya. Bergami, pour la distraire, engagea un turc nommé Mahomet, dont les danses lascives l'amusèrent. Enfin, Caroline profita de son séjour à Jérusalem pour créer un ordre de Sainte Caroline dont Bergami fut nommé grand maître. Ses distractions épuisées, la cour vagabonde loua le navire L'Industrie, fit voile pour l'Italie et revint se fixer aux environs de Milan. Caroline acheta une villa qui prit le nom de Villa Bergami, mais que l'on désignait communément par le nom de la Barona. Le frère du chambellan fut nommé préfet du palais. On y donna des bals, des fêtes, dont il sera reparlé plus loin, et qui prirent un tel caractère de licence que la Barona devint bientôt un lieu malfamé. Ce qui ajoutait au scandale, c'est que depuis quelque temps, le roi George III étant mort, Caroline avait pris le titre de reine d'Angleterre. Les représentants anglais avaient, sur le passage de cette reine, une attitude embarrassée. Partout, l'écho de ses excentricités frappait l'amour-propre national anglais. Enfin, George IV, qui pendant quelque temps avait espéré oublier sa femme, était obligé de s'en occuper et de couper court à ses désordres. Il se décida à une enquête et en chargea le baron Mpteda, ex-ministre de Napoléon Jérôme, roi de Westphalie et alors ambassadeur du roi de Hanovre à la cour de Rome. Georges IV lui donna carte blanche. Le baron s'assura d'abord un collaborateur dans le chevalier Baschi, directeur général de la police à Pesaro, et celui-ci gagna quelques domestiques de la reine. Mpteda se fit alors présenter à Caroline et reçut d'elle l'accueil le plus affable. Il devint un habitué de la baronne et s'attacha au pas de la reine, remplissant un véritable rôle d'espion. Cependant, comme il désirait des preuves authentiques, des lettres et autres documents, il ne recula point pour se les procurer devant les moyens les plus odieux. Il fit fabriquer des fausses clés et chercha pendant la nuit à pénétrer dans l'appartement de Caroline. Un domestique, réveillé par le bruit, le surprit et le reconnut. Mpteda prit la fuite à travers les jardins, essuya deux coups de feu sans être atteint et se réfugia à Côme. Cette honteuse expédition n'eut pas de suite immédiate, mais deux ans plus tard, en 1819, le baron fut pris soudainement d'une fièvre ardente, accompagné de maux d'intestin, et expira après deux jours de souffrance. L'opinion générale fut qu'il avait été empoisonné par Bergami, peut-être avec ce même poison qui avait joué un grand rôle à l'arrivée de Caroline en Italie. Mais Bergami n'avait qu'à se bien tenir. L'insuccès du baron Mpteda n'avait point découragé le roi Georges, et la baronne fut bientôt investie par ses espions. On recueillit et on acheta les domestiques congédiés par la reine. Une commission fut envoyée à Milan. Elle était présidée par M. Cook et dirigée par M. Powell. Elle avait pour mission de réunir tous les éléments d'un procès, d'interroger tous ceux qui avaient eu quelques relations avec Caroline. Ces dispositions étaient ensuite répétées devant un magistrat italien qui les légalisait et en certifiait la sincérité. En février 1820, les nombreux éléments d'un procès en adultère étaient réunis et le roi donnait le signal des hostilités en arrêtant que les prières de la liturgie britannique ne se diraient plus pour la reine mais pour le roi seulement. À la nouvelle de cet arrêté, Caroline adressa une protestation à Lord Liverpool et en même temps annonça son retour à Londres. Le parti Whig applaudit à cette résolution et envoya au-devant de la reine l'Alderman Wood pour hâter son voyage et l'aider de ses conseils. Caroline traversa la France et à Saint-Omer trouva Henry Brougham, membre déjà célèbre du Parlement et Whig enragé. Brougham engagea la reine à parlementer avec Lord Liverpool, mais celle-ci préféra suivre les conseils de Wood et le 3 juin 1820 s'embarqua sur le paquebot le prince Léopold. Bergami était resté à Saint-Omer. Le 4 juin, le paquebot, portant le pavillon royal, entra à Douvres et fut salué par le canon des forts. La population, les autorités en tête, fit à la reine l'accueil le plus enthousiaste. Georges IV, qui se savait détesté, trembla à la pensée de la réception que Londres pouvait faire à Caroline et songea à la prévenir. Le 6 juin, un message royal fut présenté par Lord Liverpool à la Chambre des Lords et par Lord Castlereagh à la Chambre des Communes. Dans ce message, Caroline était accusée de liaisons adultères. Des documents étaient cités à l'appui de cette accusation. À la Chambre des Communes, on déposa sur le bureau un sac vert contenant les preuves amassées contre la reine. 7. La cour errante. Nous n'entreprendrons pas de suivre la princesse de Galles pas à pas dans ses voyages et d'énumérer toutes les folles imprudences que lui fit commettre son aveugle passion. Elle visita successivement Milan, Venise, où elle arriva en mai 1815, puis le Saint-Gothard, les îles Borromée, et revint à Côme, où elle loua la villa d'Este. En novembre 1815, la cour errante s'embarqua pour la Sicile, à bord du Léviathan. Le navire, après avoir touché à l'île d'Elbe, arriva à Palerme le 26. Alors se produisit un fait inouï et qui montre combien la malheureuse princesse était tombée bas sans en avoir conscience. Ayant demandé à partir pour Syracuse, elle apprit que le vaisseau anglais, la Clorinde, qui l'année précédente l'avait conduite de Naples à Civitavecchia et à Gênes, était en partance pour cette ville. Elle fit arrêter son passage à bord. Le capitaine lui répondit qu'il priait son Altesse, dans le cas où elle s'embarquerait à son bord, de lui épargner la honte de s'asseoir à la même table que le sieur Bergami, son domestique. Caroline, sans vouloir comprendre l'affront qui lui était fait, répondit que M. Bergami n'était plus son courrier, mais son chambellan, et que le capitaine du Léviathan l'avait reçu à sa table.